Je peux utiliser l'emplacement à droite pour répondre au téléphone. Réponse A. Si mon voyant de carburant s'allume, réponse B. Si un de mes passagers est malade, réponse C. Si mon voyant d'huile s'allume, réponse D.